Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Ben, pas mal d'activités en fin de semaine, encore une fois. C'est signe qu'on est vraiment dedans. D'abord, à noter qu'au hockey, les Saguenay de Chicoutimi ont joué à deux reprises. Samedi, au Centre Georges Vézina, les Saguenay ont perdu 4-2. Nicolas Roy et Vincent Tremblay-Lapalme ont compté les buts. Les Saguenay qui affrontaient les Sea Dogs de Saint-Jean. Et vendredi, ben, les Sags ont perdu 2-1 contre le Dakar de Bécomo. Antoine Marcoux a compté le but des Saguenay. Les Cataractes de Shawinigan ont gagné 3-2 contre les Remparts de Québec. Samuel Girard dans le match a amassé deux passes. Les Huskies de Rouyn-Noranda de Gilles Bouchard de Normandie ont joué pour 500 en fin de semaine. D'abord, ils ont remporté une victoire de 8-4 sur les Screaming Eagles du Cap-Breton. Et les Huskies se sont inclinés contre l'Océanique de Rimouski 4-1. Ligue Midget Régionale, les Éperviers de Normandie ont gagné 5-4 sur les Marquis de Jonquière. Deux buts de Vincent Boivin. Simon Bilodeau a marqué un but et a amassé une passe. Également David Gagnon et Vincent Larouche qui ont aussi marqué. Et vendredi à Normandin, ben, les Éperviers ont eu le meilleur 5-4 sur les Sabres de Roberval. Vincent Boivin a marqué deux buts et a amassé une passe. David Alexandre Doré, un but, deux passes. Simon Bilodeau, un but, une passe. Et Vincent Larouche a aussi marqué pour les Éperviers. Maintenant, du côté des Sabres de Roberval, la réplique est venue d'un truc du chapeau de Samuel Bérubé et un but, trois passes de Maxime Paul, quatre passes pour Jesse Saint-Pierre. Et les Marquis de Jonquière ont gagné 3-2 sur les Éperviers de Normandin. À noter dans le match que deux buts de Vincent Villeneuve et deux passes également pour Jesse Saint-Pierre. Du côté midget, le Marcos Pub de Saint-Félicien l'a emporté 7-0 sur les Orioles de Jonquière. Charles-Éric Rochefort, deux buts et une passe. Félix Lapointe, un but, deux passes. Christophe Bélanger et Mathieu Deblois ont marqué un but et amassé une passe. Et Anthony Gagnon a aussi compté. Trois passes pour Alexis Gagnon. Et le Marcos Pop de Saint-Félicien a gagné 8-1 contre les Orioles de Jonquière également. Vincent Bérubé a dirigé l'attaque des vainqueurs avec une production de deux buts, une passe. Christophe Bélanger, un but, deux passes. Tommy Plourde et Vincent Lapointe ont aussi marqué. Et à noter également que Mathieu Deblois a aussi marqué dans la victoire. Au tournoi du CFP, le Marcos Pub de Saint-Félicien a remporté une victoire de 2-1 sur les Éperviers de Normandin. Et au niveau Midget A, les Loups de Dolboum-Sessigny ont remporté une victoire de 4-1 sur le Marcos Pub de Saint-Félicien. Niveau Bantam, ça va très très bien pour les Rapides de Dolboum-Sessigny. Ils ont gagné 6-3 sur les Hurricanes de Mastouillache et 5-1 toujours contre ces mêmes Hurricanes. Et les Hurricanes ont joué également deux fois. Ils ont gagné 5-2 et 10-2 contre les pauvres Ambassadeurs de Chibougamau. Au niveau au niveau curling maintenant, il y avait un tournoi au Centre Civique au cours de la fin de semaine. Et c'est l'équipe d'Anthony Provencher de Laval qui a gagné contre celle de Lacolle dans la classe A. Et chez les filles, Emilia Gagné de Dolboum-Missassini et d'Alma a perdu en finale contre Laurie Saint-Georges. Et au tournoi provincial à Sorel, nos équipes n'ont pas réussi à se tailler une place au niveau de la phase éliminatoire. Donc, à noter que Joanne Perron de Saint-Félicien de Dolboum-Missassini et Hélène Roy de Kenogami d'Olbeau ont respectivement terminé en 4e et 6e place. Et Christian Savard a pris le 6e rang de la catégorie B. Et en terminant, il y avait une course à pied à Saint-Bruno en fin de semaine. Et il y avait près de 170 coureurs qui étaient présents là-bas. Je vais vous donner quelques résultats des athlètes du secteur. D'abord, au 5 km masculin, Gino Gravel du Club du Mille de Dolboum-Missassini a terminé avec un temps au premier rang avec un temps de 18 minutes 54 secondes. À noter au 5 km féminin, Audrey Dion de Dolboum-Missassini a pris le premier rang avec un temps de 18 minutes 54 secondes. Léonie Fillion de Saint-Jean-d'Arc a pris le deuxième rang avec un temps de 23 minutes et 55 secondes. Au 3 km masculin, Étienne Saint-Pierre du Club du Mille a terminé au premier rang avec un temps de 12 minutes 13 secondes. Et a noté également que d'autres compétitions étaient présentées. Donc, 170 coureurs pour cette compétition, c'est vraiment un record quand même intéressant. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Vendredi, on a fait une entrevue fort intéressante avec Patrick Côté sur le retour de Georges Saint-Pierre. Ça vaut vraiment la peine d'être écouté. Le sport local et régional, à danradiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.